Triompher de l'ennui. Voilà le thème qui va être abordé aujourd'hui. C'est en relation avec un texte que j'ai écrit et dont vous pouvez retrouver sa lecture que je fais là, de manière audio sur mon autre chaîne YouTube. Vous allez l'avoir à bord en bas de l'enregistrement à présent, le lien qui va permettre de retracer sur le web cet écrit que j'ai fait. C'est en relation avec une étude que j'ai faite par rapport à l'ego et l'ennui, parce que éventuellement l'ego doit triompher de l'ennui, c'est-à-dire dépasser lorsqu'il vit des états d'ennui, et l'ennui est vécu par l'ego tant aussi longtemps qu'il a une capacité réflexive. Tant que l'ego n'a pas totalement intégré la fusion avec l'esprit, il peut encore se réfléchir, ce qui veut dire que techniquement, il peut encore s'ennuyer. Tandis que l'ego, qui bénéficie de l'intelligence créative de l'esprit, qui est capable d'intégrer puis de canaliser, bien, à ce moment-là, il ne s'ennuie plus parce que, au lieu que sa psyché soit occupée à s'ennuyer, il émet une vibration créative qui va remplacer ça. Donc, c'est une altération psychique qui permet éventuellement à l'ego de se libérer du comportement évolutif qui consiste à s'ennuyer. Tant que l'ego est astralisable, il peut s'ennuyer. Donc, tant que l'ego peut être sous l'influence de forces astrales et qu'il y ait des entrées psychiques dans sa conscience, ben à ce moment-là, il peut s'ennuyer parce que il n'est pas en contact avec le mouvement de la vie primordiale qui l'habite, c'est-à-dire sa contrepartie cosmique qui, par définition, est une intelligence qui pulse d'une manière perpétuelle un renouvellement créatif. Lorsque l'individu baigne dans une conscience créative, il ne peut pas s'ennuyer parce qu'à ce moment-là, il se renouvelle. L'ennui est en relation avec un état de stagnation psychique. Donc, c'est sûr que par rapport à triompher de l'ennui, pour que l'ego en vienne à triompher de l'ennui, ben, il faut qu'il dépasse la vibration astrale qui l'amène à s'ennuyer. Donc, il faut qu'il y ait la force de volonté pour instaurer une vibration différente dans sa psyché. Et pour y arriver, il faut que sa volonté soit plus grande que celle qui est en relation avec l'affiliation, de sa conscience à des entités astrales qui ont leur volonté, qui cherchent à amener l'ego, par exemple, à vibrer à de l'état émotionnel, que ce soit de la tristesse ou de la mélancolie. Donc, autrement dit, il faut que la puissance de la volonté et d'affirmation vibratoire de l'individu dans son autorité psychique soit plus grande que l'état de tristesse et de mélancolie que les plans astraux peuvent chercher à l'amener à vivre. Il faut qu'il dépasse ça. C'est un dépassement psychique qui doit être amené par l'ego. Et pour y arriver, ben, ça prend une capacité de monter en vibration au-delà des vibrations plus basses que représentent les éléments qui sont en lien avec l'ennui. T'sais, si la personne s'ennuie parce qu'elle vit de la tristesse, un état de désespoir, ben, à quelque part, il faut qu'elle soit capable de contester ça pour monter dans une vibration plus haute et de rétablir la paix de l'esprit advenant qu'elle soit perturbée. Donc si, par exemple, par rapport à l'ennui, ça m'est déjà arrivé, puis il y a peut-être des gens qui m'écoutent que ça leur arrive une fois de temps en temps. À un moment donné, ils sont bien dans leur peau, leur mental est stable, et puis tout d'un coup, oups, il y a de la tristesse qui arrive, qui entre, comme ça, sans l'avoir appelé. À ce moment-là, il faut regarder qu'est-ce qui fait en sorte que la tristesse vient, puis être capable de la contester pour la dépasser, puis réinstaller de nouveau la paix de l'esprit. Puis pour installer la paix de l'esprit, ben des fois, il faut entrer dans une contestation vibratoire de la pensée qui occasionne la tristesse pour, à ce moment-là, modifier l'état psychique pour installer un état qui est différent. Donc, c'est sûr que l'ennui, dans le cadre de l'enregistrement, le texte que j'ai fait, la lecture, puis l'étude que j'ai faite, fondamentalement, pour moi, c'est un état d'être en relation avec une conscience réflexive. Dans le sens que tant qu'on peut, par exemple, ressasser du mémoriel, on peut s'ennuyer. Si on pense entre autres au phénomène de la mélancolie, donc envier le passé au lieu d'être capable de composer avec le présent pour ce qu'il est. Tant qu'on vit en se comparant au passé, c'est ce qui peut arriver pour plusieurs personnes d'entre vous, comme moi, vous comparez votre mode de vie présentement à celui d'avant crise du coronavirus. Donc, c'est sûr qu'au moment où je fais l'enregistrement, nous sommes en pleine période de pandémie mondiale et puis des mesures extrêmement sévères, rigides, draconiennes ont été mis en place dans plusieurs pays occidentaux qui limitent les libertés individuelles. Donc, c'est sûr que si je passe mon temps en tant qu'ego à réfléchir ce que je suis présentement par rapport à l'état de liberté plus grand que je connaissais dans le passé, qui permettait, par exemple, de voir les membres de ma famille, d'aller au restaurant, de faire des choses, bref, qui me semblent élémentaires dans la vie. Donc, si je me compare par rapport à ça, puis je vis une forme de mélancolie, de réflexion, de tristesse, c'est là que je me fais avoir par l'astral. C'est là qu'en bon Québécois, je peux dire que je me fais fourrer, tabarnak. Donc, c'est là que je dois contester ça, parce que si je vis en fonction du passé, à ce moment-là, je suis en décalage par rapport au moment présent, puis ça me crée de la souffrance. Parce que on peut pas retourner dans le passé. Par contre, on peut s'organiser pour pas se faire chier dans le moment présent en se libérant de la réflexion du passé. Puis l'ennui est en relation avec une envie de l'ego, du désir. Donc, si je désire de vivre en fonction d'un passé, alors que c'est pas réel parce que le passé ne reviendra pas, ben à ce moment-là, je me fais souffrir inutilement puis je m'enlise dans des boucles réflectives. Si je passe mon temps à discuter avec du monde que, dans l'avant-crise, c'était agréable, on pouvait aller au restaurant, là, on peut pas, puis être tout le temps dans la comparaison entre le moment présent puis de l'avant-crise du coronavirus où on avait plus de libertés individuelles. Si je suis tout le temps dans ce jeu-là de comparaison, ben, à ce moment-là, je m'expose à vivre la tristesse, de la mélancolie, voire même de la nostalgie par rapport au passé. Donc, à ce moment-là, je peux m'ennuyer d'un moment passé. Et à ce moment-là, je donne le pouvoir au mémorial de mon passé de me permettre à vibrer un état d'émotivité qui m'amène à souffrir et de souffrir inutilement sur quelque chose sur lequel j'ai pas un pouvoir concret d'agir, parce que c'est pas moi qui, en claquant des doigts, va mettre fin à la pandémie mondiale de coronavirus. Donc, si je peux pas changer quelque chose, il faut que je compose intelligemment avec cette condition-là, parce que sans ça, je me fais avoir, je me fais récupérer par l'astral. Donc, puis là, je peux tomber dans un piège, puis dans un jeu d'ennui. Puis là, dire, dans le bon vieux temps, il était possible de voyager dans le monde. Dans le bon vieux temps. Ben, Chris, il faut lâcher le petit bon vieux temps. Il faut vivre au moment présent. Il faut être capable de se ressaisir vibratoirement pour réaliser qu'il y a un avant coronavirus, il y a un pendant, puis éventuellement, il y aura un après. Mais ce qui est important, c'est tout le temps vivre par rapport à soi-même pour pas être récupéré par des jeux de réflexion ou de l'astral qui vont nous dévitaliser. Parce que le temps que je passe à me plaindre que le moment présent n'est pas aussi libre que pouvait être vécu le passé d'avant la crise, ben, c'est pas du moment que j'utilise créativement pour, par exemple, rédiger un texte qui va me permettre mon émancipation psychique. Donc, c'est énergivore comme comportement. Ça me dévitalise, ça me fait perdre de mon énergie vitale. Donc, c'est techniquement inintelligent. Donc, il faut être capable de regarder qu'est-ce qui se passe en nous. Puis si on voit, puis ça m'arrive, puis j'ai fait cet enregistrement-là parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui aussi vivent une forme de nostalgie par rapport au passé d'avant la crise de coronavirus parce qu'ils souffrent présentement de la crise qui restreint leurs libertés individuelles. Ben, à ce moment-là, s'il y a des gens qui vivent une forme de nostalgie, ben, ça peut être de le regarder, ça, consciemment, d'être transparent avec soi, puis de regarder qu'est-ce qui se passe en soi, puis de voir si ça a du bon sens. Est-ce que c'est intelligent de nourrir ça? Dans mon cas, j'ai fait l'étude sur le plan individuel et c'est pas le cas. Ce qui fait en sorte que je conteste l'ennui que je peux vivre dans le moment présent comparé du passé. Puis là, ce que je veux faire, c'est, puis je m'inscris dans cette dynamique-là présentement, c'est de me dynamiser. J'ai fait un texte pour en approfondir la compréhension de mon rapport à l'ennui, puis je me mets en action dans ma vie pour être capable de regarder qu'à chaque fois qu'il y a une pensée d'ennui qui entre dans ma psyché ou par personne interposée, si je discute par exemple au téléphone, puis la personne va me dire « dans le bon vieux temps, avant la crise, on pouvait faire ci, on pouvait faire ça », ben, je suis capable de regarder que si je nourris une émotivité par rapport à ça, je perds mon énergie vitale. Donc, je me donne en pâture à l'astral. Donc, il faut être capable de voir clairement par rapport à ça pour triompher de l'ennui. Sinon, en fait, ce que je voulais faire aussi aujourd'hui, c'était de mentionner certaines phrases que j'ai écrites dans le cadre du texte que j'ai produit puis les commenter. Donc, j'ai écrit « L'ennui peut être vécu lorsque l'ego compare son existence à celle des autres. » Donc, c'est sûr que si un ego, par exemple, compare sa vie une autre personne qui est multimillionnaire et qui peut faire, par exemple, plein de choses que lui ne fait pas, comme conduire des voitures de luxe, c'est sûr qu'il peut éprouver de l'ennui. Et c'est sûr que l'ego, tant qu'il réfléchit en se définissant par rapport aux autres, il ne vit pas fondamentalement à partir de lui-même et ne se supporte pas psychiquement dans sa conscience. Puis il doit réaliser qu'à quelque part, sa programmation, si elle est restreignante, peut avoir une utilité parce que ça peut l'amener plus loin dans une définition identitaire qui va le propulser dans des compréhensions que l'autre qui ne serait pas confronté à de telles contraintes ne connaîtrait pas. Dans le sens que si quelqu'un est multimillionnaire et n'a jamais eu d'opposition dans sa vie, il ne développera pas la puissance psychique de contester les oppositions. Puis aussi, si la vie d'une personne est un long fleuve tranquille, et que la personne, depuis son enfance, vive à l'astral, elle va continuer à vivre à l'astral, puis elle ne développe pas la capacité critique de remettre en question qu'est-ce qui se passe, de se réajuster par rapport à l'événement, de contrer l'adversité et contrer des descentes d'énergie de l'esprit. Donc, si la personne, son existence va bien, elle est fortunée, et à ce moment-là, elle est dans une situation où les éléments extérieurs ne lui posent pas problème concrètement, elle ne vit pas d'opposition, ben, à ce moment-là, c'est peu probable que par rapport au point X au niveau astral qu'elle était dans son enfance, elle change dans sa vie parce qu'elle ne vivra pas de crise qui va l'amener à connaître une redéfinition vibratoire puis à changer de taux vibratoire sans opposition de l'ego par rapport à ses feuilles d'âme pour les amener, pour amener en fait l'ego à les réaliser. Ben, l'ego ne peut pas triompher de ces dernières, il ne peut pas les voir. Donc, autrement dit, si on reprend par rapport à la situation présente, la crise du coronavirus qui m'amène à pu faire certaines activités, comme mes cours de yoga, d'aller m'entraîner en salle, d'aller voir les membres de ma famille pour fêter la fête des mères, sans la crise qui m'amène à me dépouiller de ça, dans le fond, m'a amené à réaliser que je pouvais être amené à ressentir de l'ennui, par rapport à un mode de vie d'avant-crise, et à me motiver, ben, sans cette situation problématique que je connais présentement, ça ne me permettrait pas de réaliser qu'en tant qu'âme, il me reste encore le fait que j'ai tendance à être attaché au passé et à du mémoriel, puis que je peux me faire encore avoir par de la nostalgie, de la mélancolie. Donc, autrement dit, l'événement adverse que représente la crise de coronavirus est une opportunité pour mon ego de s'étudier et de réaliser qu'à quelque part, je peux encore me faire récupérer par l'astral. Donc, ça m'amène à m'amener en intelligence, en définition identitaire, avoir clair aussi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis en puissance de contestation. Parce que sans événement adverse qui va m'amener à ressentir des émotions, donc à être décentré, ça ne me permet pas, en tant qu'ego, de prendre conscience, de réaliser les éléments en moi par rapport auxquels je suis plus faible, plus fragile, plus vulnérable et que j'ai ajusté. Présentement, ce que j'ai ajusté, c'est d'accepter l'événement de la crise de pandémie actuelle sans les motiver de composer avec l'événement parce que je disais à la blague l'autre fois à ma compagne, j'ai l'impression qu'on vit dans un film d'horreur. Dans le sens que, en fait, ce que je disais, c'est que j'ai l'impression qu'on vit dans un film tout court, parce qu'avec elle, je passe du temps, entre autres, là, j'aime passer du temps à écouter des films, et puis, dans les films d'aujourd'hui, on voit des gens qui vont se toucher, qui vont se rencontrer dans des lieux publics, en groupe, etc. Pour moi, c'est la normale. Donc, tous les films du passé où on voit des gens qui sont proches physiquement, pour moi, c'est ce qui devrait être. Puis là, par la suite, après écouter un film, par exemple, je vais aller au restaurant, aller au service à emporter, le take-out, en bon québécois. Et là, je vais aller chercher, par exemple, la nourriture. Puis là, il faut que je reste à 2 mètres. Là, il y a une visière en plastique. Fait que là, j'ai l'impression que je suis dans un film. Après avoir écouté un film où les gens interagissent entre eux, de ce que j'appelle d'une manière normale, à moins de 2 mètres. Des fois, les gens ils vont s'embrasser dans des films amoureux. Les gens vont se prendre dans leurs bras. Pour moi, c'est la normalité. Puis quand que j'arrête d'écouter des films, c'est là que ça devient étrange et anormal. Lorsque je vais aller chercher la nourriture au restaurant, je vais aller à l'épicerie, je vois dans différents lieux publics, donc de voir toutes les gens qui vivent dans la peur, pour moi, c'est comme, dans un sens, une espèce de cauchemar social qui ne finit pas. Parce que ça fait plusieurs semaines que ça perdure. Là, au moment où je prononce ces mots, il y a une période de déconfinement progressif qui s'opère au Québec, mais tout de même, il y a comme une inversion de réalité. Parce qu'avant, j'écoutais un film de père où il y a une guerre, puis où il y a quelque chose de catastrophique qui arrive, puis après ça, j'étais content. J'allais au restaurant, après avoir écouté le film, puis tout est relax, dans mon environnement paisible. Puis là, c'est l'inversion de la réalité. C'est-à-dire que j'écoute des films, puis je trouve ça plus paisible que dans la réalité quotidienne auquel je suis exposé. Donc, c'est sûr que je suis en mode, en tant qu'ego, de comparaison entre ce que je vois dans les films, puis la réalité de tous les jours, puis de... C'est sûr, ça me crée une espèce de désolation parce que je compare les deux. Mais en même temps, d'être désolé par rapport à la situation n'y change rien. De la réfléchir, de l'émotiver, de la tristesse, de la mélancolie ou même de l'ennui, c'est quelque chose d'inintelligent parce que ça ne permet pas de changer sa nature. Par contre, ce que je dois faire, c'est de m'occuper en tant qu'ego de tasser la pensée astrale qui m'est envoyée dans la conscience, qui m'amène à émotiver la situation pour la contester, puis dire « non, ça suffit », pour rentrer à ce moment-là dans une puissance de volonté qui va me permettre de redéfinir mon état. Donc, au lieu de passer mon temps à être assis dans mon divan, puis de me plaindre, puis de chialer, comme un beau terme québécois, par rapport à la situation présente, maintenant, Chris, je vais m'occuper, je vais aller me promener dehors à pied, je vais faire des enregistrements, je vais me dynamiser dans ma parole, je vais faire de l'écriture. Puis l'écriture, il y a une stimulation qui est là, qui est beaucoup plus dynamisante que d'être pogné dans de la réflexion puis de l'ennui, qui fait que, à quelque part, ça me donne une forme de plaisir de vie, de dynamisation psychique lorsque je l'effectue. Sinon, ben, je vais commenter d'autres éléments aussi du texte que j'ai écrit. Lorsque l'ego n'est pas capable de compter le temps de sa programmation et de saisir son utilité évolutive, il risque de vivre de l'incompréhension à l'égard de son existence et de souffrir de l'ennui. Donc, c'est sûr que si l'ego est inconscient, il n'est pas en contact avec l'esprit, il est confronté à une situation qu'il ne veut pas, ben, il peut trouver ça ennuyant. Par contre, lorsque la personne vit une communication télépathique avec l'esprit, ben, il peut lui demander qu'est-ce qui se passe. C'est quoi sa fonction évolutive? Donc, c'est sûr que si, par exemple, l'ego est instruit que, à quelque part, un événement donné va lui permettre de lui dévoiler certaines forces qu'il ne verra pas autrement, ben, à ce moment-là, il peut réaliser l'intelligence de passer à travers l'événement. Même chose par rapport à une collectivité. Donc, l'usage évolutif qui peut être fait d'une crise sociale, ben, ça peut amener, par exemple, à certains gouvernements, si on pense à ceux du Québec, à réaliser qu'il y a des failles par rapport au réseau de résidence de personnes âgées aussi au Québec. Donc, réaliser qu'à quelque part, il manque de préposés aux bénéficiaires de s'occuper des personnes âgées en CHSLD, c'est-à-dire les centres hospitaliers de longue durée. Donc, la crise présente du coronavirus va permettre au gouvernement de réaliser pleinement une faille qui perdurait depuis plusieurs années en relation avec les résidences de personnes âgées. La qualité s'y rapportant au niveau de l'hygiène, de la salubrité pour éviter la transmission des virus. Donc, ça permet de réaliser certaines failles du système pour éventuellement, si à la lumière de cette réalisation, il y a une mise en action qui est faite pour créer un ajustement, une montée en intelligence. Donc, autrement dit, d'amener une évolution, par exemple, du réseau des résidences de personnes âgées, un peu comme ça a été fait dans le passé. Autrefois, il y a eu, par exemple, une résidence de personnes âgées qui a pris en feu. Et il n'y en avait pas de gicleur pour arrêter le feu aux différents étages de la résidence. Et à ce moment-là, il y a des personnes âgées qui sont mortes, qui ont péri dans l'incendie. Et par la suite, les normes de sécurité des résidences de personnes âgées ont dû être améliorées pour qu'il y ait davantage de gicleurs. Donc, il y a un rehaussement des normes pour éviter qu'en cas d'incendie, il y ait autant de mortalité des personnes âgées. Donc, il y a un ajustement qui s'est fait pour que, à quelque part, les résidences soient plus sécuritaires. Donc, ce type d'ajustement-là qui pourrait être fait en relation avec la crise actuelle du coronavirus. Donc, ça prend une portée évolutive. Mais c'est sûr que tant que l'ego n'est pas en contact avec l'esprit, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il vit. puis subit sa vie. Tandis que lorsqu'il est en contact avec l'esprit, il peut en venir éventuellement à composer intelligemment avec son existence, ce qui n'est pas pareil. Ensuite, ce que j'ai écrit, l'ego n'ayant pas la volonté de contester le plan astral ne peut pas générer un état vibratoire plus grand que ceux émotifs de tristesse et de mélancolie pouvant être associés au vécu de l'ennui. Donc, c'est sûr que ça prend une puissance de contestation au niveau énergétique. Ça, c'est évident. Puis la puissance de contestation, elle s'installe avec la saturation. C'est-à-dire que si un ego, ça fait une heure qu'il s'ennuie, puis je m'ennuie, c'est comme ça, tu sais, la personne est un peu nonchalante, est un peu passive, elle n'en souffre pas assez. Mais si ça fait un mois, ça fait tabarnak, ça fait deux mois qu'elle est confinée à l'intérieur de chez elle, puis elle s'ennuie, ça se peut qu'elle ait le feu au cul, puis tabarnak, elle va avoir la puissance de volonté pour contester l'ennui puis dire « Christ, ça suffit, il faut que je passe à autre chose. » Elle va être dans cet état d'esprit-là où elle a le feu au cul, le feu au derrière pour changer son état psychique. Parce qu'elle connaît une saturation de l'état. Et la mobilisation énergétique et la constitution de la volonté, sa construction dans son développement, est en relation avec l'énergie de souffrance qui est sublimée, qui est modifiée, qui est altérée consciemment par l'ego, utilisée comme tremplin, comme puissance de contestation d'un état. Autrement dit, la souffrance qu'un ego peut vivre, s'il en fait une utilisation intelligente, ça peut lui servir de carburant pour contester une condition évolutive auquel il est exposé. Mais ça prend un certain niveau de souffrance qui est vécu en fonction de la sensibilité de l'ego, qui est proportionnelle à son niveau d'intégration de l'esprit en son sein. Puis plus que l'ego devient sensible à force d'intégrer l'intelligence de l'esprit, sur l'énergie qui se développe en son sein une conscience vibratoire émergente et plus que le niveau de l'ego à contester une condition d'être réactif par rapport à elle est grand. Puis moins il va tolérer d'être exposé à une situation d'ennui prolongé ou d'éléments qui l'astralisent parce qu'il va voir clair par rapport à elle en fonction de l'intelligence de l'esprit qui est descendue dans sa psyché. Donc autrement dit, plus que la conscience éthérique, plus l'éthérisation de sa conscience s'effectue en son sein, et plus l'astral y est délogé, moins il y a de l'astral, puis plus qu'il voit rapidement clair, parce qu'il y a moins de voile en lui qui l'empêche d'être en contact avec sa lumière et d'y faire interférence. Donc c'est un cercle vertueux. Plus que l'ego intègre l'esprit, plus ça devient pour lui facile d'intégrer de l'esprit, puis plus que ça devient facile aussi pour lui de voir clair quand il y a de l'astral qui cherche à l'amener à vibrer émotivement, puis à se dévitaliser. Donc, plus qu'à ce moment-là, il peut se ressaisir rapidement. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'esprit, ça ne prendra pas deux mois avant de contester l'ennui. Tandis que quelqu'un qui n'en a pas beaucoup, ça peut y prendre deux mois, ça peut y prendre deux ans de contester une condition d'ennui qu'il subit psychiquement parce que s'il n'y a pas l'esprit et il ne bénéficie pas de la lumière de son intelligence pour la dévoiler, ça va prendre du temps avant qu'il la voie. Puis plus que l'intelligence entre en lui, puis plus que c'est facile de l'avoir, puis plus que sa réactivité est instantanée. Quelqu'un qui développe une conscience progressivement vibratoire, ben ça peut y prendre à un moment donné deux semaines, deux jours, deux heures. Puis si la personne est très affiliée psychiquement à son esprit, ben à ce moment-là, c'est instantané. Il y a tout de suite l'entrée astrale qui l'amène à vibrer de l'ennui, puis il se met tout de suite spontanément en colère dans une puissance de contestation énergétique de l'état de l'ennui pour mettre fin à cette condition imposée à sa psyché et rétablir la paix de l'esprit. Parce que l'état normal d'un individu conscient, c'est d'être dans un état de paix de l'esprit. Puis tout élément qui perturbe sa paix, c'est un élément qui doit être contesté parce que ça crée du désordre dans sa psyché, ça le dévitalise, puis plus qu'il est conscient, puis plus qu'il va plaire à la condition, parce que la clarté de l'intelligence de son esprit est de plus en plus effective en sa conscience. Autrement dit, sa conscience, à force d'être transmutée, elle devient de plus en plus claire, puis voir ce qui lui permet de voir de plus en plus clair par rapport à la condition qu'il peut subir. Mais ça prend son temps. Ça prend sa saturation. Et pour en venir là, souvent, il faut que la personne soit à but d'une condition. Tu sais, quelqu'un, par exemple, qui commence à s'ennuyer après deux semaines d'une activité de confinement subie, va dire « Ah, les choses vont s'arranger. Le gouvernement va améliorer les choses. » Fait que les choses vont s'améliorer, puis à un moment donné, je m'ennuierai plus. Ensuite, un mois après, le gouvernement va régler la situation avec les mesures qu'il met en place dans la société. Puis grâce à lui, son état de liberté de l'ennui dépend du gouvernement. Puis à un moment donné, les choses vont s'améliorer. Puis à un moment donné, Chris, il se rend compte que les semaines passent. puis il est toujours dans une situation où l'ordre social n'est pas rétabli, ben, il doit réaliser qu'il ne doit pas attendre que l'ordre social soit rétabli pour que la paix de son esprit soit par corollaire rétablie. Il doit la rétablir par lui-même. Puis c'est à force de saturation. Tant que l'ego attend après le gouvernement de remettre l'ordre dans la société, il ne vit pas en fonction de son identité, mais à la remorque d'une autre entité que lui. Il est un peu comme l'individu qui va croire que s'il suit tout ce que dit l'Église, il va être heureux puis il va aller au paradis. Alors que s'il suit tout ce que dit l'Église, ça ne veut pas dire qu'il nécessairement qu'il va se retrouver au paradis après son existence terrestre. Parce que tant que l'individu est affilié au plan astral, ben, il vit une forme d'enfer psychique parce que les entités astrales sont désajustées au réel, ce qui fait en sorte que les pensées qu'ils vont dicter, qu'ils vont amener dans la psyché de l'individu, vont manquer d'ajustement. Donc, par corollaire, le fait d'être en relation avec le plan astral ne permet pas à l'individu d'être totalement libre psychiquement. Puis, s'il n'est pas capable de mettre fin au lien avec le plan astral de survivant, il ne pourra pas les mettre fin à ces liens-là dans son après-incarnation, parce que dans l'après-incarnation, s'il n'y a pas de contact psychique qui a été établi entre son esprit et lui, ben, ça ne sera pas dans l'après-incarnation où l'ego est en suspension d'activité, donc va devoir se réincarner pour que ça soit établi. Autrement dit, tout ça pour vous dire que si l'ego a se libéré de l'attachement au plan astral ou de l'ennui, qui est le sujet de l'étude d'aujourd'hui, ben, il doit faire maintenant. Puis plus qu'il monte en vibration, puis plus qu'il y a une capacité rapide d'établir l'ordre dans sa psyché à mesure qu'il voit le désordre. Puis c'est sûr que ça se fait souvent à force de saturation de souffrance. Il y a peut-être des gens qui m'écoutent puis qui ne sont pas assez tannés de vivre de l'ennui, puis qui vivent de l'ennui depuis un certain nombre de semaines, puis qui n'ont pas encore saturé, fait qu'ils endurent. Mais quand ils ne seront plus capables d'endurer, ça va se faire naturellement. C'est un mouvement de changement énergétique qui va s'opérer où une volonté de contestation de l'ennui va émerger en eux. Ça va se faire naturel. C'est un réflexe. Comme le même réflexe qui va faire en sorte que, par exemple, quelqu'un qui va se mettre à vomir. C'est une espèce de réflexe moteur énergétique qui va s'opérer pour, par exemple, empêcher quelqu'un de s'étouffer, qui va arriver. Mais pour que le réflexe s'installe au sein de l'individu, ben ça prend de l'esprit. Puis plus que de l'esprit, puis plus qu'à la mèche courte, c'est-à-dire moins il va tolérer de l'astralisation de sa conscience puis de vivre des états émotifs comme l'ennui, la mélancolie. Donc le réflexe vibratoire de contestation et son automatisation psychique va s'opérer à mesure qu'il vibre à l'unition avec celle de l'esprit, parce que l'esprit est par-delà de la forme. Puis plus qu'il est uni à l'esprit, puis moins il peut tolérer de subir de la réflexion. Puis éventuellement, il perd la capacité de réfléchir. D'ailleurs, je le mentionne dans mon enregistrement. C'est-à-dire que tant que l'ego a la capacité d'émotiver la pensée, il peut ressentir de l'ennui. Lorsqu'il la perd dans le cadre du processus de la fusion, elle disparaît. C'est fini après. Lorsque l'individu est totalement fusionné, il ne peut plus s'ennuyer. Chris, il baigne dans la créativité de l'intelligence impersonnelle de sa conscience. À ce moment-là, les entrées astrales sont totalement remplacées par le contact avec l'esprit, puis l'individu se sait. S'il est sur Terre, il sait pourquoi il est là. Il vit pas un vide existentiel de l'angoisse de vie, puis un sentiment de désespoir. Non, il sait pourquoi il est là, il sait qu'est-ce qu'il a à faire, puis il s'occupe à le faire. Parce que à ce moment-là, il est dans un rapport à la réalité du plan physique qui est intégré. Donc, s'il bénéficie d'une conscience intégrale, il y a un rapport intégral et dans la compréhension et dans le savoir de qu'est-ce qu'il y a à vivre, puis il vit. C'est tout simplement ça qui doit en venir. Et je vais compléter avec le dernier paragraphe que j'ai écrit dans le cadre de mon texte. Alors, ça va comme ci. Pour triompher de l'ennui, l'ego doit mettre fin au lien qui le lie au plan astral et développer une puissance de volonté lui permettant de préserver sa paix de l'esprit. Elle doit être suffisamment forte pour rester intacte devant devant les nombreux assauts du plan astral demeurant possible tant que ce plan d'énergie ne sera pas dissous par les nouveaux initiés. Donc, autrement dit, tant qu'il n'y aura pas une masse critique d'individus conscients sur Terre qui vont administrer les terres de la Terre, ben, c'est sûr que tant que le plan astral est en puissance, c'est sûr qu'il peut amener des attaques psychiques par rapport à certains individus. Autrement dit, le plan astral peut chercher à astraliser certaines personnes Et à ce moment-là, c'est à l'intitude d'être vigilant. Donc, c'est pas parce que quelqu'un, par exemple, va neutraliser un état d'ennui en montant momentanément dans une vibration de contestation psychique que c'est fini. Donc, tant aussi longtemps que le plan astral existe, tant aussi longtemps que l'astral peut le tester, puis tant aussi longtemps que l'intitu doit se maintenir dans une puissance de volonté de garder son mental intact. Puis à force d'être confronté à des pensées qui l'amènent à vivre de l'ennui puis d'en triompher, ben il se développe psychiquement, un peu comme, par exemple, un boxeur. À force de faire des combats, ben à un moment donné, le boxeur, il développe sa capacité d'être un bon boxeur. Donc, autrement dit, l'intitu qui compose de plus en plus face à l'astral qui peut chercher à le décentrer, ben, à mesure qu'il développe sa capacité de rester centré, s'il est capable de faire face à ça, donc à mesure qu'il développe une force à travers lui qu'il n'aurait pas développé en relation, s'il n'aurait pas été exposé à la condition adverse et évolutive du cadre planétaire actuel où l'ensemble de l'humanité, au moment où sont prononcés ces mots, est sous influence astrale. Donc autrement dit, plus que quelqu'un est exposé à de l'astral puis se laisse pas déstabiliser par ce plan d'énergie en voie d'évolution, puis plus il développe une force psychique qui est grande. Tandis que si l'individu se retrouvait sur une planète avec des gens qui vivent toutes d'une conscience éthérique, bien à ce moment-là, il n'aurait pas eu développer une si grande centricité pour faire face à l'astral. Donc autrement dit, l'adversité auquel on est confronté, que ce soit la crise mondiale du coronavirus qui peut amener des gens à s'ennuyer ou à être frustrés ou contrariés, peut avoir une utilité évolutive si ça nous permet d'intégrer davantage une volonté puissante en nous en relation avec une centricité qui fait en sorte que par la suite, on est moins en moins déstabilisable. Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui passe à travers une crise de plusieurs mois où il est confiné chez lui, de se faire ensuite priver d'une sortie d'une fin de semaine dans un contexte où la situation, entre guillemets, est revenue à la normale, où il n'y a plus de pandémie, ben, c'est plus facile à composer. Alors qu'avant la crise, par exemple, quelqu'un qui, par exemple, parce qu'il tombait malade avec le rhume pendant 2 jours, était contrarié de contenir du temps pour revoir un ami une autre fin de semaine, ben là, si ça fait 2 mois qu'il ne l'a pas vu, il va être capable de composer plus facilement avec de contenir une période de 2 semaines. Donc, autrement dit, d'être confronté à une grande quantité de temps où l'ego doit contenir, souvent dans des situations de confinement individuel, de solitude, l'amène, dans certains cas, à développer la capacité plus grande de contenir un irritant moindre. C'est un petit peu comme quelqu'un, par exemple, qui a vécu un problème de santé important. La personne a eu à composer avec un cancer. Ben, c'est sûr que ça va sans doute lui faire moins vibrer à la peur de composer avec une petite grippe. Donc, ou un petit rhume. Donc, autrement dit, plus que la personne est capable de contenir quelque chose de lourd, d'ardu, plus que les contrariétés qui autrefois étaient vécues comme grands, ne le sont plus aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui, avant la crise, pouvait être contrarié du fait qu'il appelait au restaurant puis il restait plus de place, à ce moment-là, ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas été au restaurant, ben, de se faire refuser une fois puis de contenir une journée, c'est pas la fin du monde pour lui. Autrement dit, ça l'émotive moins parce qu'il a contenu une plus grande quantité de temps. Même chose pour un athlète. Quelqu'un qui soulève 200 livres, tu lui demandes de soulever 20 livres, pour lui, c'est facile. Mais si l'individu n'est pas habitué à s'entraîner physiquement, de soulever peut-être pas 20 livres, mais disons 80 livres, ça va être un effort. Donc, autrement dit, c'est en fonction de la capacité de contenance que l'individu a développée qui peut composer avec l'événement. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'est ce qui complète l'enregistrement présent. Je vous remercie de votre écoute. Et c'est sûr que s'il y a des gens qui apprécient mes enregistrements, ben vous pouvez m'apporter votre soutien en vous en procurant que j'ai réalisé. Vous avez un contour qui est noir. Se rapportant aux enregistrements payants que j'ai produits qui permettent d'aller plus loin par rapport à l'étude de certains sujets. Donc, s'il y en a qui apprécient ce que je fais, ben c'est une des façons que vous pouvez vous manifester pour m'offrir votre soutien. Donc, à bientôt. Au revoir.